Je l'ai vu sur le trottoir d'en face. Quand elle a traversé, on était face à face. J'ai pas bougé en attendant qu'elle passe. C'est en souriant, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit joli garçon, faut que je passe. C'est pour me retrouver, faudra être efficace. J'ai pas bougé, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. J'étais tétanisé, j'ai perdu la face. Toi tu l'as croisé, tu me l'avais dit. Elle était avec ses potes dans les rues de Paris. Je suis resté sur le choc, brusquement je me suis mis à guetter cette fille. Donc je me suis demandé quel style de garçon peut lui faire plaisir. J'ai pris mon courage à deux mains pour qu'elle entende ce que j'ai à lui dire. Elle a mis mes sentiments dans le sable, yeah. Elle a mis mes sentiments dans le sable, yeah. Au final j'ai perdu mon temps. Dans la cité, elle a le pouvoir d'exciter. Dans sa démarche, elle se fait désirer. Le cheval sur lequel il faut miser. Tout doucement, je l'accoste sur le côté. Je n'ai pas une réponse de sa part. Pourtant, j'ai quand même la cote. Tu bats ceux qui veulent la sauter. À force de vouloir t'oublier, mes sentiments ont pris le dessus comme mon canoncier. Et je n'arrive pas à dormir la nuit, je suis complètement envoûté. Que je rêve, pourtant je suis riche.